Vous écoutez? La croche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à la croche-oreille sur les ondes de CKRL 89.1. Gaëtan Gosselin, microphone, grand plaisir de vous retrouver. Je vous propose ce soir en reprise une rencontre avec l'artiste Nathalie Leblanc, qui s'adonne depuis quelques années maintenant à la création d'installations et de dispositifs intégrants, des images en mouvement, des photographies et bien sûr des environnements sonores. Nathalie Leblanc se dit inspirée par l'idée de faire surgir des contenus artistiques inattendus par des processus de transformation aléatoires. J'ouvre les guillemets, « Je travaille l'objet de mes expérimentations », dit-elle au hasard, dans l'attente de le voir dévier. Je referme les guillemets. Ça résume très bien ses intentions artistiques. Boursière du Conseil des arts du Canada, Nathalie a présenté ses créations dans de nombreux lieux de diffusion au Québec, notamment. Elle a récemment réalisé des projets de résidence en duo avec Marion Gauthier au Centre Vue à la Chambre Blanche et à Avatar, ce centre d'artistes spécialisé dans les environnements sonores et pour lequel Nathalie a longuement travaillé. Alors voilà ce qui complète cette brève présentation de Nathalie Leblanc que je recevais en entrevue. Hey Nathalie, je suis très content de cette rencontre avec toi et puis ben, je te souhaite la bienvenue à l'émission. Oui, ben merci. Je suis très contente pareillement aussi d'être là. Nathalie, quand je lis les informations sur ton site Internet, tu te présentes comme une artiste visuelle et là je constate que tu as travaillé d'abord avec l'image fixe, ensuite l'image en mouvement. Et à faire cette lecture, je me demandais comment le son est apparu dans ton univers d'artiste. Oui, mais le son est apparu de manière vraiment graduelle dans mon travail. Comme tu dis bien au départ, mes intérêts, c'est beaucoup autour de l'image, l'image fixe, simplement parce que je suis beaucoup intéressée à venir modifier, manipuler justement la matière de l'image, soit carrément sur une image papier ou une image numérique, puis de voir un peu comment est-ce que cette image-là est perçue après avoir été transformée. Donc, est-ce que je peux la dévier, puis qu'est-ce qui reste de ce travail-là qui est encore présent, qu'est-ce qui reste de l'image qu'on reconnaît dans son contexte. Puis, c'est ça, donc j'ai fait différentes expérimentations avec l'image fixe, puis l'image mouvement. Donc, le son est comme apparu d'une manière un peu graduelle, mais naturelle. Justement comme une sorte d'extension de travailler, c'est ça, dans un nouveau médium, mais toujours avec la même considération pour construire, déconstruire, c'est ça, de la matière. Puis le son aussi est apparu dans mon travail, mais à côté de l'image. Donc, c'est-à-dire que ça m'intéressait de le travailler, mais comme de façon vraiment autonome, que, par exemple, dans une installation ou dans un projet, le son et l'image puissent se côtoyer, dialoguer ensemble, mais qui ne sont pas nécessairement synchronisés. Donc, c'est pas mal comme ça que le son est apparu. Le son, tu le travailles vraiment comme un matériau singulier, puis là, il vient bonifier, je dirais, bonifier le dialogue là, que tu souhaites faire avec le monde des images, et puis qu'elle soit fixe ou en mouvement. Oui, oui, exactement. Puis apporter justement ce questionnement-là de comment est-ce qu'on écoute un son qui a été retravaillé? Est-ce qu'il y a les mêmes singularités qui apparaissent, justement, que c'est comme quand je travaille en image. Donc, c'est beaucoup avec ce questionnement-là, cette intention-là que je travaille le son ces temps-ci. Nathalie, c'est un peu paradoxal parce que je souhaitais avec toi faire un petit retour sur tes productions d'art sonore qui prennent parfois de l'envergure. Et il y a eu ce projet que tu as présenté il y a maintenant 4 ans qui était une réinvention du cinéparc. Ça s'appelait, je pense, Vidéoparc. Oui. Une installation in situ où il y avait une projection alimentée d'un univers sonore très singulier. Ça se passait ici dans Saint-Roch, si je ne m'abuse. J'aimerais ça que tu me parles du travail pour qu'on, au terme de la courte présentation que tu vas me faire, qu'on en écoute, parce que c'est un projet tout de même qui enracine, je dirais, là, toute ta réflexion sur l'installation, l'univers sonore. Oui, oui, oui, vraiment. Ben oui, c'est un projet qui a démarré, c'est très drôle, simplement par une fascination que j'avais pour le cinéparc. En fait, c'était dans la période où on annonçait qu'à peu près tous les cinéparcs étaient fermés. Puis, bon, je sais qu'il y a eu quand même plusieurs projets sur cette thématique-là, mais j'avais envie de l'approfondir par moi-même parce que j'ai toujours trouvé que le cinéparc, c'est ça, c'était une drôle d'activité de prendre son auto, conduire, aller dans un espace, une sorte de non-lieu, un terrain vague ou quoi que ce soit, puis rester assis dans sa voiture pour regarder un film. En tout cas, c'est tout le temps quelque chose que j'ai trouvé excessivement drôle, puis que je trouvais que ça venait autant détourner la fonction du véhicule, tu sais, se déplacer, stationné, et la fonction, ben pas la fonction, mais tu sais, la possibilité de contempler un paysage parce qu'on mettait un écran devant. Puis évidemment, ben le vidéoparc, ça veut dire, le cinéparc aussi, il y a un lien fort avec le son. Puis ce que je trouvais intéressant, c'est d'envoyer le son justement à la radio. Donc ce projet-là, je l'ai fait pour un cinéparc pour une voiture, donc d'où l'idée vidéoparc, c'est comme une réduction. Puis, dans le fond, je suis allée prendre des captations autant d'images que de sons sur le lieu même où le projet allait avoir lieu. Donc, l'idée, en fait, c'était, vu que je trouvais que le cinéparc, c'était déjà une activité un peu drôle en soi, mais je m'étais dit pourquoi pas projeter les images qui vont être cachées derrière l'écran au moment de la présentation, mais évidemment, retravailler comme je le fais habituellement dans dans ma démarche. Donc, c'est ça, je suis allée capter autant des images tôt le matin, tard le soir, pour avoir vraiment une progression de la journée. Puis, en même temps, j'ai enregistré un peu comme du field recording, mais tous les sons qui étaient présents au moment où j'y étais. Donc, ce qu'on entend, c'est vraiment une lente progression. Donc, on entend des moments où il y a des oiseaux, on entend des moments où il y a des personnes qui marche sur le sentier, en gravel qui est juste à côté, des gens qui courent. Donc, tu sais, tout ça est mixé ensemble. C'est des sons très un peu banals, assez ordinaires. On entend aussi le bruit des camions sur l'autoroute qui fait un genre de rythme sur le viaduc. Donc, c'est ça l'idée, c'est de prendre tous ces petits moments-là qui, en tant que tels, ne disent pas grand-chose, les mettre ensemble, puis les faire écouter à un public, tout en sachant que ça sera peut-être des images, des sons qu'on pourra plus réentendre, entre guillemets, parce que c'est l'endroit où c'était présenté, le terrain vague, c'est qu'il y a une construction, un building, des condos qui allait voir le jour à cet endroit-là l'année suivante. Donc, l'idée, c'était ça, c'était juste de se dire, bien, il y a cet endroit-là qui disparaît, mais en même temps, qui n'est pas, comment je dirais, qui n'est pas de grande signification non plus. Il y a un peu l'idée de l'archive, finalement, de l'archive à la fois visuelle, sonore, dans ce projet installatif. Oui, oui, complètement. Oui, il y a quelque chose de l'archive, de documenter, de garder une trace ou de la changer. Oui, c'est pas mal dans des intérêts qui sont parallèles, oui, à mes projets. Nathalie, on va en écouter un extrait de ce projet intitulé « Vidéoparc ». Oui. Thank you. Nathalie, il y a un autre projet que je trouve vraiment intéressant. Ce matin, j'en prenais connaissance là, sur ton site Internet parce qu'il est tout de même récent. C'est un projet de 2018. Ça s'intitule « Cet objet dans l'espace ». Et là, on est aussi dans une réflexion sur nos environnements quotidiens et notamment dans ce cas-là de l'environnement un peu industriel. En tout cas, ces machines qui nous environnent dans le quotidien. J'aimerais ça que tu nous en parles de ce projet, comment il a surgi. Oui, ben ce projet-là a vu le jour grâce à une exposition collective qui s'appelait Sortie de pièces. Puis ça, c'était l'idée, on était un groupe d'artistes qui était intéressé à faire une exposition, mais par nous-mêmes, donc autogérée. Puis vraiment l'idée de tout simplement soit présenter du travail d'atelier récent ou d'en profiter pour faire un nouveau projet. Puis ça, c'était initié par Delphine Aguesbar puis Jean-Michel René. Il y avait aussi d'autres artistes comme Pascal Leblanc-Lavigne, Julie Bellavance, Annie Charland, Thibaudeau, Olivier Dessert, Vincent Fournier et Sarah Thibault. Donc c'est ça, puis on m'avait invité à faire ce projet-là, puis c'est sûr qu'une des premiers défis, c'est de trouver un lieu. Et on a, dans le fond, loué un local commercial sur la rue Saint-Joseph. Puis quand on a visité l'espace pour autant se donner une idée qu'est-ce qu'on allait présenter, comment on allait le placer en espace, bien, en descendant au sous-sol, bien, il y avait cet énorme appareil qui était une pompe industrielle. Qui occupait une grande partie de l'espace du sous-sol. À un certain point, on se disait, ben est-ce qu'on occupe le sous-sol, finalement, vu qu'il y a cet objet-là qui vient gêner. Puis moi, à ce moment-là, je m'étais dit, ah, ben j'aime quand même beaucoup ça, expérimenter. Je me disais, ah, ben je vais faire un projet directement sur la pompe. Donc, puis oui, effectivement, donc ça vient questionner, c'est ça, le lieu, l'espace, l'environnement. Puis c'est ça, cet objet-là est très industriel, est quand même très esthétique, comment il se positionne dans l'espace, comment il est soutenu sur des grandes tiges, ça lui donne un aspect sculptural. Puis c'est ça m'a donné envie de, comme, dans le fond, venir prolonger un peu cet aspect-là sculptural de l'objet, et donc d'enregistrer le son de la pompe, puis de le transmettre dans deux tiges de métal à l'aide de transducteurs. Donc, au final, le son faisait résonner ces deux tiges de métal-là, un peu de manière similaire à quand la pompe s'actionne elle-même. Fait que la pompe est devenue, en quelque sorte, là, la figure sculpturale, visuelle de l'installation. Oui, exactement. Oui. Donc, sur ce projet-là, j'ai travaillé un peu moins l'image, peut-être un petit peu plus le son. Quoique, en deuxième partie, il y avait aussi une rétroprojection de deux points de vue de cet objet-là dans l'espace qui était projeté plus loin. Oui. Il y a ce projet, Nathalie, qui s'intitule « Première prise ». Celui-là, il date de 2019, il est tout récent. C'est une installation qui repose sur l'idée du field recording, donc captation terrain. Comment il apparaît, lui, ce projet, dans ton parcours à ce moment-là? Oui, bien, il apparaît, oui, c'est ça. Le field recording, ce qu'il y a à dire déjà, c'était… Est-ce que c'est nouveau, l'idée de travailler de la captation en direct, ou si c'est un hasard dans ce cas-ci? Oui, c'est ça. Bien, c'était quand même nouveau, mais c'est venu dans le processus, c'est ça, de travail. Dans les faits, j'avais déjà cet enregistrement-là de field recording. C'était superbe, vraiment, le son de la pluie qui tombe sur des arbres. Dans le fond, on était allé avec Christophe Havard dans un parc national. Aller enregistrer en quadriphonie, c'est ça, le son de la forêt. Puis ça a donné que la pluie venait tout juste de cesser. Donc, j'ai récolté avec lui, c'est ça, ces sons-là vraiment intéressants. De la pluie qui tombe de façon plutôt intermittente. C'est ça, l'exposition dans laquelle Première Prise a été présentée. C'est une exposition satellite de la Manif d'art. Puis, il y avait toute cette relation-là à la thématique à la nature. Donc, je m'étais dit, ça serait intéressant d'utiliser cet enregistrement-là, mais de venir le mettre en contexte dans l'espace d'exposition. Donc, il y a eu cette idée-là d'utiliser un fichier préenregistré et de le mélanger à une captation qui est en direct. Donc, c'était justement cette idée-là de mettre ces deux choses-là en opposé puis de les faire dialoguer également. Donc, le visiteur, quand rentrait dans le petit espace d'exposition, elle pouvait mettre un casque d'écoute, entendait justement le son de la pluie découpé, mais en même temps pouvait remarquer des sons qui avaient été enregistrés une ou deux minutes avant. Souvent, le visiteur avait le temps de s'entendre lui-même arriver dans l'espace d'exposition. Puis, l'idée, c'est un peu ça, donner à entendre deux moments complètement différents qui, pourtant, s'accordent bien ensemble. Mm-hmm. Un espace qui est vraiment en nature, puis l'autre qui est très, très près de nous, vraiment, ben, juste dans l'espace d'exposition, dans un espace intérieur, puis d'un moment qui vient tout juste de passer. C'est ça, donc il y avait cette idée-là aussi de la pluie qui est un son qui revient, qu'on connaît, qui est un peu fixe, un peu stable. Oui. Puis de ce son-là qui est arrivé quelques secondes plus tôt, qui lui n'arrivera plus. Donc, finalement, je me rends compte que le son, je le travaille un peu comme mes images. Donc, cette idée-là de la fixité du mouvement ou d'avoir lieu, a eu lieu, n'a pas lieu. Donc, en tout cas, ça se retrouve pas mal, oui. Oui, il y a un travail vraiment de représentation à la fois visuelle et sonore dans le travail. Écoute, on va tout de même entendre, même si nos auditeurs n'ont pas tous un casque d'écoute, on va tout de même écouter un extrait de ce projet intitulé « Première prise ». C'est parti. Wow, c'est rouge. Bon. 4. Première prise. C'est parti. Alors, 5. Bon. 4. Ouais. Première prise. C'est parti. 5. Première prise. Bon. 4. Première prise. Bon. Bon. On envoie. Bon. 4. Prise. 4. Première prise. Première prise. C'est parti. Alors, 5. Voilà ce qui complète la première demi de l'émission en compagnie de l'artiste Nathalie Leblanc. On poursuit ça après un bref battement promo. À tout de suite. Thank you. Vous écoutez CKRL. Radio. Vous écoutez La Croche-Oreille. C'est la Croche-Oreille qui se poursuit sur les ondes de CKRL 89.1 qu'on retrouve aussi à ckrl.qc.ca sur la toile. Alors voilà, je suis en compagnie de Nathalie Leblanc ce soir, une artiste multidisciplinaire qui vit et travaille à Québec. Comme je l'ai mentionné en intro d'émission, Nathalie Leblanc explore depuis quelques années les combinaisons possibles de l'image et du son en vertu de processus qu'on peut qualifier d'aléatoire. Sans plus tarder, retour sur cet entretien qu'elle m'accordait, le tout émaillé de ses récentes expérimentations sonores. Bon. 4. Première prise. Ouais, c'est ouais. Parti. Alors, 5. Ouais. Première prise. Okay. Parti. 5. Première. Nathalie, on vient d'entendre première prise. Il y a un décompte tout de même dans la pièce. Là, j'aimerais ça comprendre comment ça se produit, ce phénomène. Oui, c'est ça. Bien, dans le fond, dans le fichier de sonore que j'ai repris, en fait, je ne l'ai pas du tout édité, je l'ai juste pris tel quel, je l'ai utilisé dans l'installation. Puis c'est ça, au départ de l'enregistrement, il y a un décompte fait par Christophe Havard où on entend 1, 2, 3, 4, puis l'enregistrement est lancé. Comment c'est monté dans l'installation, c'est que ça vient découper le son en petits intervalles et qui se mélangent aussi. Donc, quand le visiteur portait attention ou l'écoutait pendant un certain moment quand même, bien, on pouvait remarquer que le décompte se mélangeait. Donc, on n'avait pas nécessairement tout le temps le 1, 2, 3, 4 qui était aligné un après l'autre. Donc, des fois, ça pouvait être juste 5, 2, 3. Donc, c'est ça. Il y avait comme un revirement dans le temps qu'on pouvait écouter dans la pièce sonore si on y portait attention. Nathalie, souvent, dans le cadre de mes rencontres, je demande aux artistes, qu'est-ce qui les inspire dans le cadre de leur travail ou encore où ils vont chercher leurs matériaux. En t'écoutant, il y a tout de même tu es tout de même passionné pour les expériences en temps réel, ici, maintenant, dans ta démarche, finalement. Oui, de plus en plus. Oui, c'est ça, de venir intégrer quelque chose du moment présent ou du direct qui est accolé à un moment passé. Je pense qu'il y a quelque chose qui émerge là-dedans. Même chose aussi, là, en son, c'est beaucoup ça ces temps-ci. Puis sinon, en image aussi, je me suis mis à travailler plus avec l'image en streaming, de justement le faire glitcher ou le faire désagréger en temps réel. En tout cas, donc, il y a cette idée-là. Puis même si je pense à des projets passés que j'ai fait en collage ou plutôt en décollage. Décollage parce que, dans le fond, j'avais une image que j'ai entièrement déscotchée sur plusieurs semaines. Puis, donc, il y a cette idée-là, justement, d'image qui n'est plus. Donc, ça se retrouve pas mal, oui, dans mon travail. Oui, toujours cette idée de construction à partir d'une déconstruction, cette idée de rassembler des éléments pour reconstruire, reconfigurer une réalité, soit visuelle, soit sonore. Et ça m'amène, Nathalie, à tes projets actuels. Bon, parce que là, tu es en processus de création assez intense. Tu es récipiendaire d'une bourse première depuis un petit moment, et là, tu travailles là-dessus. J'aimerais là, que tu nous parles un peu de ton projet, de tes projets ou de ton projet que tu mènes actuellement. Oui, bien, c'est ça, ce projet-là. En fait, le titre de projet, qui va peut-être être provisoire, mais en tout cas, s'appelle « Les intervalles ». Donc, ce projet-là, en fait, ça suit un projet en images que j'avais fait où j'avais travaillé avec des caméras qui captaient en time-lapse. Donc, ça veut dire qu'ils prennent une photo à chaque X nombre de secondes ou X nombre de minutes. Puis, je m'étais tout simplement demandé, est-ce que je peux faire la même chose du côté sonore? Est-ce que je peux venir faire de l'enregistrement par intervalle? Puis, dans l'optique, justement, d'enregistrer soit des sons ambiants ou soit des fichiers, dans le fond, puis de venir les découper, de venir les enregistrer en temps réel, dans l'idée de ne pas avoir à éditer ce son-là par la suite. Donc, l'idée, c'est que toute la modification, la transformation se fait au moment même d'être enregistré. Donc, pour ce projet-là, c'est ça, je travaille avec un logiciel de programmation qui s'appelle Max, qui me permet de capter différentes sources sonores, puis de venir les découper, c'est ça, à l'intérieur d'un buffer, comme on dit, puis ensuite, tout simplement, de l'enregistrer. Nathalie, ce qu'on vient d'entendre, là, c'est comme les premières ébauches de travail d'expérimentation. Et là, ça va se développer, ce projet-là, à partir de d'autres matériaux. Oui, c'est ça. Donc, ce qu'on a entendu, c'était vraiment un enregistrement, encore une fois, très lié au lieu où ça a été enregistré. Donc, on entend différentes bribes, soit de radio, de mouvements dans l'espace d'atelier, d'électromagnétisme aussi un peu, parce que dans le fond, en travaillant avec le microphone, c'est ça, puis en s'approchant de différents transformateurs, il y a eu ce bruit-là qui s'est rajouté en l'enregistrement même. Mais c'est ça, c'est à préciser que c'est comme un collage, mais sans effet de montage. C'est tout enregistré à même l'enregistrement, oui. Dans le fond. Il y a un peu l'idée du traveling là dans ce travail-là, un travail cinématographique où on tourne et voilà ce que ça donne au final. Oui, exactement. Donc on tourne, on observe ce qui a été recueilli. À certains points, ça fait écho à une technique justement au cinéma de cut-up ou en littérature aussi que ça a été fait, donc vraiment de juste découper, coller un après l'autre puis voir qu'est-ce qui se passe. Mais ce que j'aime, moi ce qui m'intéresse beaucoup dans mon projet, c'est la portion de contrôle et de non-contrôle. Donc dans le fond, je structure bien, c'est ça, un logiciel qui permet d'enregistrer à des intervalles ou des séquences très très précises, mais après ça, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ben là, ça, c'est, je laisse le hasard rouler. Thank you. Puis sinon, ben, comment le projet a évolué? Ben, dans les faits, en travaillant par intervalles comme ça, parallèlement, j'avais un questionnement sur la musique de streaming. Donc, cette idée-là que les algorithmes nous suggèrent, c'est des titres qui sont toujours un peu similaires. Puis, bon, c'est quelque chose qu'on connaît, mais tout de même, moi, j'ai été fascinée de voir que quand on presse sur Play, sur ces plateformes-là de streaming, que tout ce qui nous est suggéré par la suite se ressemble tous un peu. Autant, ça nous permet de découvrir des nouveaux artistes, ça, c'est super, mais en même temps, je me dis, ah, si on considère ça comme une longue accumulation de données, tout ça est un peu homogène. Puis, c'est ça, donc, mon idée avec... le travail que je fais d'enregistrement par intervalle, c'est de venir rendre tout ça hétérogène. Donc, ma dernière expérimentation, en fait, c'était de prendre... on était dans le temps de Noël, donc prendre les suggestions de l'algorithme de musique de Noël, puis de les passer dans mon programme pour enregistrer par intervalle. Puis, j'ai eu une petite surprise aussi en expérimentant différentes choses. Ben, j'ai réussi à faire, oui, enregistrer le son en le découpant, mais aussi à le faire chevaucher. Donc, il y a eu une petite erreur au niveau de l'intervalle ou du temps d'intervalle, mais qui a été finalement très positive. Donc, ça donne une pièce qui est plus accélérée, je veux dire, qui a une rythmique vraiment plus rapide, quelque chose qui tend plus vers le chaotique ou l'abstrait. Mais c'est ça, dans le fond, ce que vous entendez, c'est tout issu d'une playlist de Noël. Très intéressant cette pièce, Nathalie, pour l'avoir écoutée un peu en amont. Et là, on va l'offrir aux auditeurs ce soir. Nathalie, ce projet des intervalles sur lequel tu travailles, là, il va aussi s'inscrire dans un projet installatif. Là, et là, est-ce que tu es très avancé ou pas très avancé dans ce que ça va, dans la manière dont ça va se construire dans l'espace? Oui, c'est ça. Bien, effectivement, ce projet-là, l'objectif final, c'est que ça puisse se spatialiser dans l'espace. Donc, plus que juste une écoute au casque, que le visiteur puisse vraiment l'apprécier dans l'espace. Tu sais, peut-être justement retourner à des intérêts que j'ai sur qu'on a nommés dans d'autres projets. Oui, bien là, la forme exacte est encore c'est un projet en cours, donc c'est encore à déterminer. Mais pour l'instant, je travaille beaucoup avec des petites composantes de haut-parleurs, puis qui va peut-être, des moteurs qui va peut-être venir faire pivoter légèrement le haut-parleur qui serait un peu sur une rythmique qui serait équivalente à la durée de l'intervalle de l'enregistrement. Donc, faire écho dans le mouvement, faire écho au processus d'enregistrement. Donc là, c'est sûr que pour moi, ça donne un tout cohérent. Après ça, une fois en installation, je ne sais pas à quel point on va remarquer que la vitesse d'enregistrement, ça va être similaire au mouvement des haut-parleurs, mais pour l'instant, c'est une de mes pistes. Donc, l'idée, ça serait de tout simplement rentrer dans un espace assez grand où il y aurait peut-être une dizaine, une vingtaine de petits haut-parleurs qui pivotent légèrement, puis qui au départ semblent pas trop bouger. Donc, en tout cas, c'est ce que j'imagine pour l'instant. Nathalie, on est un peu impatients à t'écouter, de voir ce projet. Écoute, on termine l'émission avec un autre extrait de ton projet En Marche, qui s'intitule Intervalle. Et puis, je te remercie infiniment de m'avoir accordé cette belle rencontre. Ben écoute, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Voilà ce qui complète le programme de ce soir avec l'artiste sonore Nathalie Leblanc. Grand merci à Nathalie de nous avoir permis l'écoute de ses œuvres. Je complète l'émission avec des créations sonores et radiophoniques présentées dans le cadre du concours 2025 60 secondes radio, des projets sonores, des expérimentations qu'il m'a été impossible de vous faire entendre faute de temps la semaine dernière. Alors, vous allez voir, c'est très intéressant. Cela dit, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h, sur les ondes de CKRL pour une autre aventure sonore. Au microphone, depuis les studios de CKRL à Québec, dans le quartier Limoilou, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue. I make a water song too. It's a water song. It's a water song. It's a water song. Ringo ja lämmittää, jos aurinko katsoo, niin se voi polttaa. Territorio 2.0. Levantar las piedras. La dignidad como la posibilidad. ¡Ah! Esto es 200 Suaves presenta, transmitiendo desde la cabina de Radio Nopal en la Colonia San Rafael, en la Ciudad de México. Comenzamos. We have one of those jobs where the whole world comes here, and they do. We meet people from everywhere, and it's amazing how a 3-hour boat ride, 2-hour boat ride, sometimes even just a 45-minute boat ride, how someone that you meet can change your perspective on different things, you know, just because you're actually talking and speaking with somebody that's come from this part of the world. And they love telling you about it. That's the best thing. But nothing makes your day go by faster and more enjoyable than learning about other people. That's awesome. If you got an open mind and an open pilot house, you can experience that. I think collectively here, we all enjoy that because we like people. Thank you. This is her.